Les délégués à la 8e conférence de l'Organisation des enfants de Corée ont visité Mangyongdae, pays natal du président Kim Il-sung, et le cimetière des martyrs révolutionnaires du Mont Taesong pour déposer les bouquets de fleurs devant le buste de Madame Kim Jong-soo, héroïne anti-japonaise, et formuler leur hommage. Au musée des hauts faits du mouvement de la jeunesse, ils ont également offert les bouquets de fleurs devant les statues en pied des généralissimes Kim Il-sung et Kim Jong-il parmi les jeunes avant de leur rendre hommage. Les enfants délégués ont ensuite fait le tour de divers endroits, notamment le pavillon des sciences de base et le pavillon de rêve des enfants du Palais des sciences et techniques, ainsi que l'exposition nationale des ouvrages littéraires de science-fiction des enfants et de maquettes 2017.